Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et on va ouvrir l'émission en parlant de la pluie et du beau temps et plus particulièrement du phénomène El Niño 2015 qui pourrait nous apporter une météo capricieuse. C'est le sujet de Marie-France Sautil. Bonjour Marie-France. Bonjour. Alors oui c'est ça, donc peut-être que le mois de février a été un petit peu froid et peut nous rappeler quelques mauvais souvenirs. Bien, c'était effectivement quelque chose de qualifié d'extrêmement froid. C'est une anomalie qui dépassait de 7,3 la moyenne normale, si on veut, de 1981 à 2010. Et dans l'histoire des mesures météo du Québec, c'était le deuxième mois de février le plus froid jamais enregistré. En plus, le froid a été remarquable par sa persistance, c'est-à-dire que tous les jours, on s'est retrouvé sous les normales et même sous zéro, du jamais vu. À l'opposé, peut-être certains se souviennent de septembre 2015, c'est oui. plus frais. On avait des anomalies de température qui étaient, elles, au-dessus des normales 81-2010 toujours. C'est-à-dire que le mois de septembre 2015 a été le plus chaud depuis plus de 100 ans. Montréal et Québec ont même connu presque deux canicules. Le seuil de 30 degrés Celsius a été dépassé au moins une fois dans toutes les régions. Puis cette chaleur a été tenace, c'est-à-dire que pendant plus de 26 jours sur 30, les températures maximales quotidiennes ont été au-dessus des normales. Puis on peut aller plus loin, par extension, la date du premier gel a été retardée d'une à deux semaines selon les régions. C'est vrai. Et est-ce que ces anomalies, on peut les attribuer à El Niño? Bien, il y a plusieurs sources d'explications pour les fluctuations de la météo à différentes échelles de temps ou d'espace, mais le cycle qui implique El Niño est le principal contributeur à la variabilité qu'on observe. Peut-être que ça vaudrait le coup de rappeler ce que c'est ce phénomène d'El Niño? Bien, d'abord, c'est un terme espagnol qui signifie l'enfant Jésus et ça remonte au 19e siècle. Ce sont des marins péruviens qui nommait ce courant chaud qui survenait occasionnellement durant la période de Noël au large des côtes de l'Équateur et du Pérou. Et puis, son opposé, la Niña, c'est-à-dire El Niño au féminin, c'est un courant froid. Il existe aussi entre les deux la Nada, qui signifie l'état rien, c'est-à-dire on est en période neutre. D'accord, donc la Niño, la Nada, la Niña, mais météorologiquement, en fait, il se passe quoi? Ça veut dire quoi? Bon, El Niño, d'abord, c'est un phénomène naturel. C'est récurrent, mais pas régulier. C'est-à-dire que la période de retour peut varier entre 3 et 7 ans dans les dernières années. Sa durée de 6 à 18 mois, il se fait sentir davantage l'hiver. Et il correspond à une des phases du cycle de la pression atmosphérique dans le Pacifique tropical, dans le Pacifique vis-à-vis l'Équateur, si on veut. Alors, ces différences de pression génèrent des vents qui ont une influence stratégique sur les autres composantes de l'atmosphère et même de l'océan. Alors, en conditions normales ou neutres, les alizés, les vents qui sont à la surface au niveau de l'équateur, là, qui soufflent habituellement de l'est vers l'ouest, bien, littéralement, ils empilent les eaux de surface du Pacifique du côté de la Papouasie et de la Nouvelle-Guinée. Au large de l'équateur, donc l'autre côté, la perte en eau est compensée par une remontée des eaux plus profondes, qui sont plus froides. Et puis, c'est ça qui est le phénomène naturel, si on veut, le phénomène normal. Mais il arrive que des différences de pression atmosphérique diminuent, puis les vents, à ce moment-là, ralentissent, puis les alizés, ils vont même jusqu'à parfois s'inverser, c'est-à-dire changer de direction. Ah. Alors, les eaux chaudes du Pacifique sont moins poussées vers l'ouest, ce qui empêche la remontée des eaux froides près de l'Amérique du Sud. Et puis, l'atmosphère à ce moment-là est plus chaude sur les côtes de l'Amérique et correspond aux conditions d'El Niño. Alors, après un épisode d'El Niño, le système revient vers sa phase neutre habituellement, la Nada, et parfois même vers l'autre extrême, la Niña. Il arrive aussi qu'on passe directement d'un extrême à l'autre, sans passer par le milieu. En fait, chaque cycle est différent. C'est ce qui rend le phénomène très difficile à prévoir. Puis, pour votre information, le dernier épisode d'El Niño a été enregistré en 2009-2010. Celui de la Niña en 2010-2011. Donc, on était dû. Je ne sais pas si on a à être dû ou pas, mais en fait, quels sont les impacts à ce moment-là? Quelles vont être les conséquences? Les effets d'El Niño se font sentir sur la température, je l'ai dit. sur celle de la mer aussi, sur les précipitations, sur le régime des vents, mais partout sur le globe par un phénomène qu'on appelle téléconnexion, c'est-à-dire tout ça est un peu relié, même si on ne fait pas directement face au Pacifique. Alors, la présence d'El Niño est décelée à l'aide de la température moyenne des eaux de surface au centre du Pacifique. Il y a une station précise à cet endroit-là. Quand elles sont supérieures à 0,5 degrés par rapport à la normale, pendant au moins 3 mois consécutifs, là, on dit El Niño est déclaré. Oui. J'ai dit 3 mois, c'est plutôt 5. À l'opposé, si les eaux de surface sont plus froides d'au moins 0,5 degrés par rapport à la normale, là, on est dans un épisode La Niña. Entre les deux, je vous l'ai déjà dit, je vous le donne en mille. C'est un nada. Et voilà. Il ne se passe rien, c'est plat. Voilà. Alors, durant El Niño, ce qu'on observe, là, on parle des impacts, une hausse des précipitations et une raréfaction du poisson sur les côtes d'Amérique du Sud. Pour le nord-est américain, des tempêtes de neige. Pour le sud-est des États-Unis, plutôt des hivers plus frais. En Australie, en Indonésie, des sécheresses, des feux de forêt. Des ouragans au milieu du Pacifique qui frappent la Polynésie. Et d'ailleurs, cette année, on a un nombre record de typhons dans cette zone. On n'entend pas trop parler pourtant. Des fois, ils ne frappent pas le continent. Okay, là, ils se tiennent dans l'océan. Durant la nada, c'est pas vrai qu'il n'y a rien qui se passe. C'est juste l'état intermédiaire. La remontée des eaux froides, riches en nutriments, favorise le développement du plancton. Donc, le poisson abonde aux îles Galapagos, près du Pérou, de l'Équateur. Mais de l'autre côté du Pacifique, les pluies sont abondantes. Et puis, finalement, le dernier extrême, les impacts de la Niña. La température est froide sur le Pacifique, mais anormalement élevée dans l'océan Indien. Ça leur cause des inondations. Pendant que l'Europe vit des sécheresses, puis la même chose aux États-Unis, au centre, et dans la corne de l'Afrique. Donc là, cette année, il y a un El Niño 2015 qui est officiel. Voilà, oui. Et donc, à quoi on peut s'attendre cet hiver, par exemple? Bon, alors, on l'a officiellement déclaré en septembre 2015. Là, c'est des organismes, mettons, de renommée internationale, l'OMM et la NOAA aux États-Unis. Parce que les eaux de surface au centre du Pacifique ont largement dépassé le critère pour déclarer El Niño. Vraiment, c'est du jamais vu. En plus, les patrons de précipitations et de couverts nuageux des derniers mois suggèrent des impacts notables à l'échelle du globe. Puis, grâce à des modèles de simulation, puis à des statistiques, on peut même annoncer que El Niño 2015 atteindra des records jamais enregistrés. Puis d'ailleurs, on l'a déjà surnommé Godzilla. D'accord. Donc, concrètement, est-ce qu'on peut s'attendre à des conséquences, des impacts au Québec? Bien sûr, on est un peu loin du centre de l'action là, dans le Pacifique, mais évidemment, on n'est pas à l'abri. En général, en période d'El Niño, on observe des hivers plus doux chez nous. Mais cette clémence, si on veut, ne persistera pas tout l'hiver. En fait, à cause d'un autre phénomène de pression atmosphérique dans le Pacifique qui s'appelle le blob, je pourrais y revenir un jour. Pourquoi pas? Le mois de février s'annonce froid. Ça ramènerait l'ensemble des températures moyennes de l'hiver autour des normales. Ça va compenser. Oui, exactement. Mais avec un début d'hiver moins froid, on redoute la pluie verglaçante. Ah oui, c'est ça. Puis on se souvient de janvier 1998 dans la Montérégie. C'était la fameuse crise du verglas. Eh bien, ça concordait avec un El Niño très fort. Mais dans les faits, il faut prendre ça avec un grain de sel parce qu'il n'y a aucune corrélation statistique qui a été démontrée entre les deux phénomènes. Puis il y a d'autres épisodes de pluie verglaçante qui sont produits durant des années neutres ou durant la Niña. Et finalement, est-ce qu'il y a un lien, je ne sais pas pourquoi j'ai dit chien, en tout cas, est-ce qu'il y a un lien entre le réchauffement climatique global et le El Niño? C'est une très bonne question. El Niño n'est pas directement relié au changement climatique, c'est pas une conséquence d'eux, mais il s'ajoute au réchauffement global. Autrement dit, les anomalies qu'on observe sont des fluctuations autour du signal de base, autour de la tendance de fond. Puis à l'inverse, on se demande, est-ce que le réchauffement global va influencer El Niño? Ah oui? Ben, à partir des connaissances, ils sont pas très performants à reproduire les caractéristiques du phénomène. Et on estime avec beaucoup de prudence que les épisodes d'El Niño extrêmes, un peu comme celui de 2015, pourraient se reproduire plus souvent durant le 21e siècle. Et on sait aussi que le cycle complet, là, El Niño, La Nada, La Niña, restera la principale source de variabilité naturelle des températures mm-hmm. puis des précipitations dans mm-hmm. le futur. D'accord. Peut-être que l'élastique là, entre El Niño et La Nada va s'étirer davantage, par contre. Dans le temps, tu parles? Entre les extrêmes, à plus chaud, plus froid. Ah oui, probablement en intensité. En intensité, ça. Oui, ce serait mais comme, intuitif. Ouais. Mais comme tu le dis, il faut rester prudent avec ce genre de oui. d'annonce. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Marie-France, pour ces éclaircissements sur La Niño, ces précisions sur El Niño 2015. On va faire maintenant une petite pause musicale, mais restez sur CKRL au 89.1. Au retour, nous serons avec la professeure Isabelle Lorion, qui étudie la relation entre les lacs et le climat.